بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Notre sujet aujourd'hui porte sur les dangers, le danger des hypocrites. Nous avions évoqué dans une khutbah passée, dans un discours précédent, que l'hypocrisie se divise en deux parties. La grande hypocrisie, que certains appellent l'hypocrisie de la croyance, et qui est une hypocrisie qui fait sortir l'individu de l'islam. Et c'est une catégorie donc de personnes qui intériorisent la mécréance et extériorisent l'islam. Donc par leur langue et aussi certains actes, ils montrent qu'ils sont musulmans. Mais dans leur intérieur, ce sont des gens qui ne croient ni en Allah ni au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième hypocrisie est la petite hypocrisie, qui est l'hypocrisie des actes, et qui est une hypocrisie qui ne fait pas sortir l'individu de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé dans de nombreux endroits le statut de ces gens-là, et de même leur qualité. Quel est leur statut? Le premier, c'est qu'ils sont mécréants. Ce sont des mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Bayyinah, la preuve évidente, il dit que les gens qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les mushrikines, les associateurs, sont dans le feu de la géhenne, khalidina fiha abada, éternellement, à jamais. Ulaika hum sharrul bari'ah, et ce sont la pire des créations. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Hashr, ne vois-tu pas les hypocrites qui disent à leurs frères mécréants parmi les gens du livre, si jamais vous êtes sortis donc de Médine, nous sortirons avec vous. Et si jamais on vous combat, nous combattrons avec vous. Et nous n'obéirons à personne en dehors de vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala atteste que ce sont des menteurs. Donc ces personnes-là, ils ont été cités dans ce deuxième verset-là, comme étant les frères des mécréants, des gens du livre. Et les gens du livre, ainsi que les associateurs, ont été cités dans le verset précédent comme étant des mécréants et comme étant la pire des créations. Donc, les hypocrites entrent aussi dans le grand groupe des mécréants. Et ce sont même les gens qui auront le pire châtiment dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Nisa, les hypocrites, certes, seront dans le degré le plus bas de l'enfer. Et pourquoi cela? Car le mécréant, qui est appelé mécréant dans le shara, même si le munafiq est aussi un mécréant, le kafir a extériorisé sa mécréance. Alors que l'hypocrite a intériorisé sa mécréance, mais a extériorisé l'islam, ce qui est encore pire que la première catégorie, donc les kuffars. Quelles sont les qualités de ces gens-là? Quelles sont les qualités de ces gens-là? Ces gens-là, d'abord, c'est qu'ils extériorisent, comme nous avons dit, l'islam, par la langue et par les actes, mais intériorise la mécréance. Allah dit dans sourate Al-Baqarah, il dit, et parmi les gens, il y en a qui disent, nous avons cru en Allah et au jour dernier, et ils ne sont pas croyants. Donc Allah a confirmé que par la langue, ils disent qu'ils sont croyants, mais qu'en réalité, ils ne sont pas croyants. Comment cela? Car dans leur intérieur, ce sont des mécréants. Ils essaient de trahir Allah ainsi que les croyants, mais ils ne trahissent que leur propre personne et ils ne sont pas au courant de cela. Dans leur cœur, il y a des maladies et Allah leur a donc rajouté en maladie. Fi qulubihim marad fazadahum Allah marada, et ils auront un châtiment douloureux du fait de leurs mensonges. Donc ces gens-là, comme première qualité principale, ils extériorisent la foi et intériorisent la mécréance. Une autre qualité qu'ils ont et qui est une de leurs qualités principales, c'est qu'ils recherchent l'alliance auprès des mécréants. Notamment quand les mécréants sont en position de force. Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours dans sourate An-Nisa, annonce aux hypocrites qu'ils auront un châtiment douloureux. Ensuite, dans le verset suivant, il donne une phrase qui vient qualifier ces gens-là. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَا, ceux qui prennent les mécréants comme alliés. Puis Allah subhanahu wa ta'ala pose une question de reproche en disant أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ, est-ce qu'ils recherchent auprès des mécréants l'honneur? فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, mais plutôt l'honneur appartient de manière totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie donc de leur hypocrisie et de leur qualité principale. Et aussi parmi leurs qualités, c'est qu'ils se moquent donc des gens qui font des bonnes actions. Au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, notamment lors de la préparation de la troupe, du groupe qui partait donc en bataille pour la bataille de Tabouk, pour la préparation de cette armée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a motivé les musulmans à dépenser. Et certains ont beaucoup amené, comme Othman, qui a dépensé des centaines de chameaux, qui a posé de l'or auprès du prophète alayhi salatu wa sallam. Mais d'autres ne trouvaient que très peu et n'amenaient que ce qu'ils pouvaient. Et al-munafiqoun, les hypocrites à ce moment-là, étaient entre eux dans un coin et se moquaient des dons de ces pauvres personnes-là. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu un verset dans sourate At-Tawba dans lequel il décrit l'attitude de cela. Alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi as-sadaqat, ceux qui se moquent des croyants qui font des aumônes. Walladhina la yajiduna illa juhdahum yaskharuna minhum. Et ceux qui ne trouvent donc que vraiment un petit peu d'argent et qu'ils sont allés chercher avec effort, ils se moquent donc d'eux. Fayaskharuna minhum sakhara Allahu minhum. Et Allah subhanahu wa ta'ala se moque d'eux, wa lahum adhabun alim, et ils auront un châtiment ardent. Et aujourd'hui nous trouvons ce type de personnes qui se moquent. Ils se moquent des barbus, ils se moquent du niqab, ils se moquent des sœurs en jilbab, ils se moquent de celui qui met des vêtements courts, ils se moquent de celui qui ne serre pas la main aux femmes, ils le traitent d'intégriste, ils le traitent d'archaïque. Ils se moquent de quelqu'un qui veut appliquer le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se moquent de celui qui dit que faire un crédit pour une maison c'est haram. Ils lui disent qu'il faut vivre avec l'époque, hein, et qu'aujourd'hui les époques ont changé et qu'on est obligé de passer par ce type d'opération, et ainsi de suite. Et les exemples sont innombrables. Ils se moquent de celui qui a beaucoup d'enfants, même certains. Ils se moquent de celui qui a beaucoup d'enfants par ibada, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mariez-vous à la femme douce, procréatrice, car je me vanterai de votre grand nombre, yawm al-qiyama. Et c'est une ibada que de faire beaucoup d'enfants pour qu'ils portent le tawhid, l'amour, la crainte d'Allah azza wa jal, afin de renforcer les rangs de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se moquent de la polygamie. Ils se moquent de la polygamie et ils se moquent des différentes lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment celles qui vont à l'encontre des lois de leurs frères mécréants. Donc parmi leurs qualités encore, les hypocrites sont des gens qui donc en secret se réjouissent d'une éventuelle défaite des musulmans, d'une éventuelle chute des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate, al-munafiqin, les hypocrites, ce sont eux qui disent que lorsque nous reviendrons à Médine, le puissant, le plus puissant, sortira le plus rabaissé. Et c'est à Allah qu'appartient la puissance et à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne comprennent pas. Ce verset est descendu en rapport avec l'histoire de Abdullah ibn Ubay ibn Seloul, qui était la grosse tête des hypocrites au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en retour donc de la ghazwa de Bani Mustaliq, ce personnage-là a commencé à faire tourner une rumeur et il disait que lorsque nous reviendrons à Médine, Al-A'az, le plus puissant, donc il visait sa propre personne, fera sortir, chassera de Médine Al-Adhal, le plus rabaissé. Il visait par cette parole maudite le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le fils de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui lui-même s'appelait aussi Abdullah. Donc Abdullah, le fils de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, a entendu cette parole. Quand il a entendu cette parole, il a pris, il est allé à la tête de l'armée. Et en arrivant à Médine, il s'est mis à la porte de la ville et a brandi son épée. A brandi son épée et a attendu que son père arrive. Lorsque son père arrive, il a mis l'épée sur la gorge de son père. Et il lui a dit, Wallahi que tu ne rentreras pas à Médine jusqu'à ce qu'il entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Huwa al-A'az, c'est lui le plus puissant. Wa anta al-Adhal, et c'est toi le plus rabaissé. Donc telle était la aqid apportée par les gens du tawhid, par les musulmans au temps du prophète alayhi salatu wa sallam. Ils ne prenaient pas parti même de leur famille contre l'islam, contre le prophète alayhi salatu wa sallam. Qu'en est-il alors de prendre parti avec les mécréants contre les musulmans, contre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ce même personnage-là, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, a donc propagé la rumeur. Comme vous savez, l'histoire est longue, je résume. Selon laquelle Aïcha radiallahu anha aurait fait un acte donc avec un des compagnons, aurait fait le péché de la fornication avec un des compagnons, car elle avait perdu, vous savez, un de ses colliers, elle est restée le chercher, et l'armée est partie et l'a laissé derrière, et un compagnon est arrivé et l'a trouvé, Comme ça, il a dit, est-ce que c'est Aïcha, car elles étaient complètement couvertes. Elle, par le silence, simplement, elle a répondu et il l'a fait monter sur sa monture. Lorsqu'ils sont arrivés à l'entrée de Médine, Abdullah ibn Ubay ibn Salul a dit, Wallahi, len tenjoua minhu, wa len yenjoua minha. Il a dit, par Allah, c'est pas possible qu'elle ait pu se préserver de lui et que lui ait pu se préserver d'elle. Donc, parmi les qualités des munafiqin, c'est qu'ils propagent les mauvaises rumeurs sur les musulmans. Tout comme leur grand-père, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, leur chef premier, avait répandu la rumeur sur notre mère, sur la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha. De même, aujourd'hui, ils répandent sur les savants, par exemple, des fausses rumeurs. Ils disent que tel savant, c'est un fornicateur, tel savant fait ceci ou cela. Ou par exemple, sur nos frères qui aujourd'hui combattent pour le tawhid d'Allah, ils disent que c'est des narcotrafiquants menteurs que vous êtes, mécréants maudits. Comment est-ce que ces gens-là, qui devant les vidéos brûlent les cigarettes, éclatent les bouteilles d'alcool et vous voulez faire croire à l'opinion internationale que ce sont des narcotrafiquants, alors que c'est vous, mécréants, les narcotrafiquants. Et vous savez que vous mentez. Wallahu yashhadu innal munafiqin al-kadhibun. Et ils trouvent parmi les gens qui posent le front dans nos mosquées, ils trouvent un point d'appui pour se désavouer de cela. Pour se désavouer de nos frères qui n'ont comme péché que de vouloir que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala soient appliquées sur la terre qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les grands signes de ces hypocrites qui sont invités à la télé et qui sont des gens, donc qui sont invités, qui viennent discuter au nom de l'islam et des musulmans. Parmi leurs signes, ils évoquent quasiment jamais Allah en son nom. Vous n'entendrez jamais ces gens-là dire Allah. Ils disent Dieu. De même, ils ne prient pas sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et quand ils le citent, et rares sont les fois où ils le citent sous le pseudonyme Mahomet. Et ne disent pas Mohammed, car le ha choquerait sur un plateau télé. Et au mieux, pour limiter les dégâts, ils diront Mohammed. De même, ces gens-là, on ne ressent pas en eux de l'honneur d'appartenir à l'islam. C'est pour cela qu'ils essaient d'effacer tout signe distinctif entre eux et les non-musulmans. Donc lorsqu'on les voit, ils ressemblent aux mécréants, sauf si jamais ils ont une peau un peu plus foncée que d'autres. Mais à part cela, rarement sont les signes distinctifs. Ces gens-là ne suivent pas le prophète alayhi salatu wassalam dans son extérieur. De même, on ne ressent pas en eux la vénération du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne défendent pas la sharia lorsqu'elle est diabolisée. Lorsqu'en face d'eux, ils ont des mécréants, soit qui connaissent la sharia et de manière volontaire la diabolisent, ou parfois des mécréants ignorants de la sharia, ils ne sont pas là pour expliquer la largesse, la généralité de la sharia, et que justement c'est le système qui va permettre à l'humanité de s'épanouir, et c'est le seul système, et ce sont les seules lois immuables qui permettent le bonheur à l'humain dans ce bas monde et dans l'autre. Vous ne trouverez jamais cette catégorie d'hypocrites, de prêcheurs du mal, défendre la sharia. Bien au contraire, ils vont dans le sens de leurs frères mécréants et mettent à défaut leurs frères prétendus musulmans mais qui ne sont pas leurs véritables frères, et vous les trouverez facilement, avec beaucoup d'aisance, mettre à défaut leurs soi-disant frères en les narguant, en les qualifiant de terroristes, en les qualifiant d'extrémistes ou tout autre adjectif péjoratif. Parmi leurs signes encore, c'est lorsqu'on leur demande de juger, donc dans nos divergences avec le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ils refusent. Allah dit dans sourate An-Nisa, ne vois-tu pas ceux qui prétendent avoir cru en ce qui a été descendu sur toi, c'est-à-dire le Coran, et ce qui a été descendu avant toi, et ils veulent prendre comme juge le Tarout, qui sont toutes lois en dehors des lois d'Allah Azza wa Jal. Yuriduna an yatahakamu ila at-tarut, ils veulent prendre comme juge le Tarout, alors qu'il leur a été ordonné d'y mécroire, car la mécréance au Tarout est un pilier parmi les piliers du tawhid. Il ne peut y avoir tawhid que s'il y a kufru bit tarut, mécréance au tarut, et foi à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Baqarah, et certes celui qui mécroit au tarut et croit à Allah, c'est certes accroché à la anse solide. La anse solide qui est la ilaha illallah, comme l'a expliqué Abdullah ibn Abbas. De même, parmi les signes de ces gens-là, c'est que lorsqu'on les appelle à un retour de l'islam, du temps des sahaba radiallahu anhum, ils ne veulent pas et traitent les compagnons, les salafs, comme étant des soufaha. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وهم الصحابة في الآية. Et lorsqu'on leur dit croyez comme ont cru les gens, et les gens dans le tafsir ce sont les sahaba, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'on leur dit croyez comme ont cru les gens, قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Est-ce qu'on va croire comme ont cru ces imbéciles? Ala innahum humus sufaha. Allah dit non, plutôt ce sont eux les imbéciles, les faibles d'esprit. Donc ce sont des gens que lorsqu'on les appelle, et ça retenez-le, c'est un critère déterminant, ils méprisent les salafs. Et quand je dis salaf, ce n'est pas le hizb salafi de certains, car effectivement certaines personnes, c'est eux qui ont fait du mal à cette terminologie qui est les salafs. Beaucoup de gens ont un mauvais comportement, passent leur temps à parler sur leurs frères, à insulter les savants. Naam, ces gens-là existent, mais moi je parle du minhaj, qui est le minhaj du prophète alayhi salatu wassalam. La voix du prophète alayhi salatu wassalam, vous remarquerez que ces prêcheurs-là, ces hypocrites, détestent ces gens-là. Ils détestent aussi le madhhab Hanbali. Ils détestent Ibn Taymiyyah. Ils détestent Ibn al-Qayyim. Ils détestent Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab. Tous ces revivificateurs qui ont appelé à un retour à l'islam des premiers siècles. Et vous les trouverez narguer cette période-là. Et ils diront aux gens qui veulent appeler à cela. Et ils vont dire alors tu vas enlever la machine à laver, tu vas à ta femme, tu vas lui enlever la cuisinière, tu vas lui amener du bois pour qu'elle fasse à manger. Et ils se moquent du retour au premier siècle. Car ce sont des kuffars fil haqiqa. Et ils détestent la sharia d'Allah azawajal. Et ils détestent dans leur intérieur profond Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils parlent avec ces paroles-là. S'ils aimaient Allah et son prophète, ils ne pourraient jamais dire une parole de mal sur Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un critère déterminant, rappelez-vous-en mes frères et sœurs, c'est qu'ils détestent les gens du premier siècle. Un autre critère, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Et lorsqu'on leur dit ne faites pas de corruption sur terre, ne faites pas de mal sur terre, ils disent mais nous ne faisons que du bien. إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Allah dit أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. Mais non, ce sont plutôt eux qui propagent la corruption de manière réelle. Mais ils ne le savent pas. Ils ne s'en rendent pas compte. Ça, c'est un deuxième critère déterminant. C'est qu'ils ont des discours dans lesquels ils veulent le bien pour l'islam. Ils disent, nous voulons que les musulmans réussissent économiquement. Nous voulons que nos filles puissent étudier. Nous voulons que les musulmans puissent travailler. Nous voulons que. Car ils savent très bien que la plupart des musulmans sont ignorants et ne voient pas arriver l'attaque de ces gens-là. Mais en réalité, Ala innahum humul mufsidun. En réalité, c'est la pire perversion que font ces gens-là. Car ils ont pour objectif que simplement tu poses ton front, que ta femme mette le hijab, point. Ton islam s'arrêtera là. Mais que dans l'intérieur, tu as une flamme qui brûle, d'amour d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu n'acceptes pas que le Coran ne soit pas appliqué du nord au sud, de l'est à l'ouest, de la planète qu'Allah a créée, ça, ils ne veulent pas que tu l'aies ça. Donc, ils veulent que tu sois un simple adorateur, complètement ignorant du contexte géopolitique et des enjeux actuels présents. Qu'Allah nous protège de ces gens-là.